La mère à sa fille. C'est beau la vie, belle pour toi, de toi suivie, toi devant moi. C'est beau ma fille, ce coin d'azur, qui rit et brille, sous ton front pur. C'est beau ton âge d'ange et d'enfant, voile au nuage qui te défend, des folles âmes qui font souffrir, des tristes flammes qui font mourir. Dieu fit tes charmes, Dieu veut ton cœur. Tes jours sans larmes, tes nuits sans peur, mon genelière, monte après moi. Dans ta prière, enferme-toi. C'est beau, petite, l'humble chemin où je ne quitte jamais ta main. Car dans l'espace, ô prosterné, une voix passe qui dit « Venez !» Tout mal sommeille pour ta candeur. Tu n'as d'oreille que dans ton cœur. Quel temps, quelle heure, tu n'en sais rien. Mais que je pleure, tu l'entends bien.